بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. Donc nous sommes arrivés au chapitre du verset. Donc il a intitulé le chapitre par un verset du Coran. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Qui tu aimes ici, c'est-à-dire innaka la tahdi man ahbabtahu. Tu ne guides pas la personne que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Ou alors on peut le comprendre innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu walakin Allah yahdi man yasha. Dans le sens, tu ne guides pas celui que tu aimerais guider. C'est pas dans le sens où tu l'aimes lui, mais tu aimerais qu'il soit guidé. Donc il y a ces deux façons de comprendre le verset qui ne se contredisent pas. Donc tu ne guides pas qui tu aimes. Donc Allah Azza wa Jal dans ce verset s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il ne guide pas. Alors qu'on voit dans un autre verset qu'Allah Azza wa Jal dit wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes tu guides vers un droit chemin. Comment donc on peut allier et accorder le fait qu'ici Allah dit au prophète qu'il ne guide pas et dans l'autre il lui dit qu'il guide? Est-ce que le Coran se contredit? Se contredit pas. C'est-à-dire que la guider, dans chacun de ces deux versets, a un sens. Si on parle de la guider, qu'on appelle hidayatul irshad, c'est-à-dire le fait de montrer, hidayatul bayan, transmettre, enseigner et montrer, alors Allah a dit au prophète, innaka wa innaka la tahdi ila sirati mustaqim. Certes, tu guides vers un droit chemin. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montre aux gens et enseigne aux gens et oriente les gens vers le droit chemin. Ça, c'est en sa capacité et c'est même son devoir. Par contre, faire qu'une personne soit sur le droit chemin et faire que son cœur soit rempli de foi, etc., est-ce que ça, le prophète le détient, sallallahu alayhi wa sallam? Seul Allah les détient. Ça, c'est le sens de notre verset ici. Et ça, on appelle ça hidayatu al-tawfiq. La guider dans le sens de al-tawfiq, c'est-à-dire dans le sens de permettre à la personne de le faire. Ça c'est exclusif à Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi ce chapitre ici dans Kitab al-Tawhid? C'est pour montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même ne peut pas guider. Donc en réalité, si vous avez bien suivi, c'est dans le même ordre d'idées que les chapitres précédents. C'est toujours pour montrer, comme le Coran le fait, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah ne détient pas les caractéristiques qui feraient qu'elle mériterait d'être adorée et invoquée. Et parmi ces choses-là, le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures. Donc le chapitre d'avant, il parlait notamment des anges, qui sont les créatures les plus fortes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les plus pures. Maintenant, ça nous parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit qu'il ne guide pas. Donc s'il ne guide pas, alors qu'en est-il du fait de faire tomber la pluie, ou secourir, al-raouf, c'est-à-dire secourir ou sortir quelqu'un de la détresse, etc. Donc c'est pour couper le lien entre les créatures et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lien qui est mauvais et qui ne doit être qu'entre la créature et Allah. Quant au lien entre la créature et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de l'aimer plus que sa propre personne, de lui obéir de façon absolue, de l'imiter et de le suivre, ça au contraire c'est quelque chose auquel le shirk encourageait, rahimahullah ta'ala. Donc il dit, fi sahihi, Ali ibn al-Musayyab an abihi. Donc premièrement on va s'arrêter sur Ibn al-Musayyab. Donc il rapporte dans le Sahih selon Ibn al-Musayyab. Ibn al-Musayyab c'est Saïd ibn al-Musayyab. Il dit Ali ibn al-Musayyab bi fath al-ya wa ismuhu Saïd ibn al-Musayyab ibn Huzn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aïd ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi. Donc Saïd ibn al-Musayyab, il était bien connu. Son père, Al-Musayyab, lui-même, c'était un sahabi. Il dit, « Ahad al-ulama wal-fuqaha il-kibar al-sab'ati min al-tabi'in. » Il faisait partie des grands ulama et des sept fuqaha de la ville de Médine, dans la génération des tabi'in. Donc c'est les générations, les premières générations des tabi'in, les grands tabi'in. « Ittafaqa ahlu hadithi anna marasilahu asahhul marasil. » Donc les gens du hadith sont tous d'accord pour dire que le hadith mursal, s'il vient de Saïd ibn al-Musayyib, c'est le mursal le plus authentique. Donc mursal, je ne vous réexplique pas, On va pas réexpliquer à chaque fois. قال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه. L'imam Ali ibn al-Madini, le cheikh de l'imam al-Bukhari, disait: je ne connais pas dans les tabi'in quelqu'un qui a une science plus large que lui. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. Il est mort après l'an 90, à plus de 80 ans. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان. Son père al-Musayyab était un sahabi qui est mort pendant le califat de Uthman radiallahu anhu. وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة. Et son grand-père, donc il dit Huzn, je ne sais pas si c'est Huzn ou Hazan, il n'a pas mis ici les harakat, également était un sahabi qui est mort dans les guerres dans Al-Yamama, c'est-à-dire à l'époque d'Abu Bakr radiallahu anhu. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عم. Donc il dit, donc là c'est Al-Musayyab, le père de Saïd, qui était un sahabi, un Qurashi. Il dit, lorsque la mort venait ou est venue à Abu Talib, c'est-à-dire lorsqu'il était proche de la mort, Abu Talib, donc l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a protégé, qui l'a même élevé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu le voir, et il y avait avec lui Abdullah ibn Umayya, ibn Abi Umayya, donc qui était à ce moment-là un des nobles de Quraysh, mais un des mushrikin, mais plus tard il s'est converti à l'islam. Et Abu Jahl, Abu Jahl donc qui est bien connu. Donc ils étaient auprès de Abu Talib avant qu'il meure. فَقَالَ لَهُ يَا عَمْ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ كَلِمَةً وَحَجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ. Et le prophète disait à son oncle, Abu Talib, يَا عَمُّ, c'est-à-dire ô mon oncle, dis لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dis qu'il n'y a de divinité à adorer qu'Allah. Une parole par laquelle j'argumenterai pour toi auprès d'Allah. C'est-à-dire, si tu l'as dit, je pourrai intercéder pour toi auprès d'Allah au jour du jugement. فَقَالَ لَهُ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. Et les deux autres ont dit à Abu Talib, est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas te détourner de la religion de Abd al-Muttalib? فَعَادَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ. Fa'a'ada. Donc lui disait, dis la ilaha illallah. Et eux deux lui disaient, est-ce que tu vas te détourner de la religion de ton père, c'est-à-dire l'adoration des idoles. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répétait, les deux répétaient. Donc, hein, le prophète lui dit de dire la ilaha illallah, et les deux autres lui disent, est-ce que tu vas quitter la religion de ton père. Fa'kana akharu ma qala. Et la dernière chose qu'il a dit, c'est qu'il était sur la religion de Abd al-Muttalib. Donc si on regarde ici comment le rapporteur du hadith al-Musayyab a rapporté le hadith, il a dit, la dernière chose qu'il a dit, deux points, il est sur la religion de Abd al-Muttalib. Alors que Abu Talib, est-ce qu'il est raisonnable, entre guillemets, qu'il dise, en parlant de lui-même, il est sur la religion de Abd al-Muttalib? Comment il va dire? Je suis sur la religion de Abd al-Muttalib. Mais les savants ont dit, et d'ailleurs cette façon de dire je suis, ça a été rapporté dans une autre version du hadith. C'est que le rapporteur du hadith, tellement il déteste dire cette phrase, même en la rapportant de quelqu'un, il dit, il a dit qu'il est mort sur la religion d'Abd al-Muttalib. Parce qu'il a détesté dire, il a dit je suis sur la religion d'Abd al-Muttalib. Tellement il détestait le shirk, subhanallah. Donc la dernière chose qu'il a dit avant de mourir, c'est donc je suis sur la religion de Abd al-Muttalib. Donc il ne s'est pas converti à l'islam. Et il n'est pas mort sur le monothéisme. Alors qu'au fond de lui, comme il le disait lui-même dans ses poèmes, et c'est pas seulement au fond de lui, mais même par ses paroles, il reconnaissait que la religion de son neveu, c'était la vérité. Mais il y a une différence entre reconnaître et croire et l'iman. L'iman, c'est pas juste d'y croire et de le reconnaître. C'est aussi de l'adopter et de le suivre et de l'appliquer dans les actes et les paroles. وَأَبَا أَنْ يَقُولَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc il a refusé de dire لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَا عَنْكَ. Et le prophète a dit صلى الله عليه وسلم, je demanderai le pardon pour toi, c'est-à-dire je prierai Allah de te pardonner tant qu'il ne me l'interdit pas. فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. Et Allah Azza wa Jal ensuite a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'appartient pas au prophète et à ceux qui ont la foi de demander le pardon pour les mushrikin, c'est-à-dire pour les associateurs, même s'ils sont des proches. Même s'ils sont, c'est-à-dire leur père, leur fils, leur oncle, il est interdit à un muslim de dire, par exemple, Rahimahullah, Ghafarallahullah, etc., pour quelqu'un qui est mort dans le kufr. Donc Allah Azza wa Jal a interdit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de demander le pardon pour son oncle Abu Talib. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Et Allah également a révélé au sujet de Abu Talib, certes tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc qu'est-ce que ça nous montre? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur des hommes, mais le fait de guider une personne, ça appartient à qui? Ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que le prophète a pu intercéder pour son oncle alors qu'il était mushrik? Allah lui a interdit de demander le pardon pour son oncle. Si ce n'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah d'alléger le châtiment de son oncle, et comme il l'a dit dans un autre hadith, son oncle sera, hein, avec ses pieds seront sur des braises aussi chaudes qui font que, si chaudes que son cerveau bout de la chaleur de ses braises, et il croira être la personne la plus châtiée en enfer, alors que c'est celui dont le châtiment est le moins dur. Donc le prophète a tout de même intercédé pour lui, mais il n'a pas pu le sauver du châtiment. Donc qu'est-ce que ça nous montre? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas être adoré et invoqué en dehors d'Allah, puisque lui-même ne détient rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas guider une personne, ni intercéder pour qui il veut, sallallahu alayhi wa sallam. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. Le chapitre suivant, il dit ce qui a été rapporté qui montre que la cause de la mécréance des enfants de Adam, c'est-à-dire des êtres humains, et le fait qu'ils délaissent leur religion, c'est الغلو في الصالحين, c'est-à-dire le fait d'exagérer à propos des vertueux. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que une des principales causes du shirk et de l'adoration des idoles et d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que les gens exagèrent à propos des hommes pieux, surtout lorsqu'ils sont morts. Donc on va voir ce qu'il a rapporté ici. Il dit wa qawli llahi azza wa jal ya ahl alkitab la taghlu fi dinikum. Donc il a premièrement cité le verset qui dit ô vous les gens du livre, n'exagérez pas, la taghlu, n'exagérez pas dans votre religion, parce que les gens du livre, donc les juifs et les chrétiens, avaient beaucoup de sortes de roulous. El roulou, c'est un mot, l'exagération, c'est un mot qui est vaste. Ça peut être dans les œuvres et ça peut être également dans les atiqad, c'est-à-dire dans la croyance. Et lorsqu'on observe les juifs et les chrétiens, on voit par exemple que Allah Azza wa Jal a dit d'eux وَقَالَتْ النَّصَارَى لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Donc ils ont exagéré au sujet de Isa. Ils ont fait du roulou. Donc ça s'appelle roulou. Ils ont monté Isa au point de dire que c'est lui Allah, ou qu'il est le fils d'Allah. Et ils ont également adoré la mère de Isa qui est Maryam. Également lorsqu'on voit par exemple Allah Azza wa Jal dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, ou plutôt l'autre verset dans la surat At-Tawba à propos de Al-Ahbar wal-Ruhban, اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs savants et leurs hommes pieux, Al-Ahbar, c'est-à-dire les savants, wal-Ruhban, Al-Ruhban c'est comme les moines, ceux qui font beaucoup de ibadah, etc., comme des seigneurs, comme des dieux en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Maryam, c'est-à-dire le Messie, Isa, fils de Maryam. Donc on voit qu'Allah Azza wa Jalla a blâmé les juifs et les chrétiens parce qu'ils ont exagéré au sujet de certaines créatures, comme leurs savants, leurs ascètes, leurs moines, au point où de les placer comme des divinités en dehors d'Allah, par le fait que lorsque leurs savants disaient qu'une chose est halal ou haram, même si ça contredisait la Taurat ou l'Injil, ils le prenaient. Donc ils les ont mis à l'égard d'Allah Azzawajal. Et également parce qu'ils adoraient certaines créatures comme Isa ou comme Maryam. Ou parce qu'ils prétendaient qu'ils étaient les enfants d'Allah, comme Isa ou comme Uzair. Donc Allah leur a interdit le roulou dans la religion. Et parmi le roulou, il y a le roulou dans les prophètes et les hommes pieux. Wa fi sahih an Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghuth wa ya'uq wa nasra qala hadhihi asma'u rijalin salihin min qawmi nuh falamma halaku awha ash-shaytanu ila qawmihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت قال ابن القيم رحمه الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Donc ici il a rapporté une parole qui est dans Sahih al-Bukhari de Abdullah ibn Abbas à propos du verset dans la sourate Nuh. Le verset qui dit, et ils ont dit, c'est-à-dire quand Nuh s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui a dit, à propos de son peuple, ils ont dit, ne délaissez pas vos divinités, donc c'est-à-dire des choses qu'ils adoraient en dehors d'Allah, ne délaissez pas Waddan, et Suwa', et Yaghouth, et Ya'uq, et Nasra. Ils ont cité 5 noms. 5 noms d'idoles, donc c'était des idoles qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'était que ces idoles? Est-ce que c'était que de la pierre? Ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était voulu derrière? Donc Abdullah ibn Abbas a expliqué. Il a dit, ce sont des noms d'hommes pieux, d'hommes vertueux du peuple de Nuh. Donc en fait, Ya'uth, Ya'uq, Wad, etc., c'était des hommes qui vivaient avant Nuh. Et il a dit ensuite, Abdullah ibn Abbas, lorsqu'ils sont morts, Al-Shaytan a suggéré à leur peuple de dresser dans leurs assises, c'est-à-dire dans les endroits où ils s'assoient, un saban, c'est-à-dire des statues à leur effigie, et de leur donner leur nom. Et ils l'ont fait, mais sans les adorer. Et lorsque la science a été oubliée, elles ont été adorées. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le peuple de Nuh, donc quand on dit dans le peuple de Nuh, c'est-à-dire dans le peuple où Nuh allait naître, parce que ça c'était avant Nuh. Il y avait 5 hommes salihin, des hommes pieux, qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, qui sont cités dans le verset. Wuddan, Waswar, etc. Et ces hommes pieux, Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, m'a dit, quand ils sont morts, Shaytan a dit aux gens, faites des statues qui représentent ces hommes-là, et donnez-leur leur nom. Mais ils ne les ont pas adorés. C'est-à-dire qu'au début, Shaytan ne leur a pas dit, adorez-les. Pourquoi? Parce qu'on sait que de Adam jusqu'à Nuh, qu'est-ce que les gens pratiquaient? At-tawhid. Ils ne connaissaient pas le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Shaytan leur a dit, faites des statues qui représentent ces hommes, donnez-leur le même nom que ces hommes, et au début, ils l'ont fait. Et d'autres savants ont expliqué, parmi les tabi'in, qu'ils faisaient ça pour se rappeler d'eux. C'est-à-dire, Shaytan, il est venu vers eux avec une bonne niya. Il leur a donné une bonne niya. Ils se sont dit, on va les représenter, comme ça on va se souvenir de ce qu'ils faisaient. Et quand on va se souvenir de ce qu'ils faisaient, les ibadah, etc., on va faire comme eux. Mais quand ils ont aussi al-ilm, quand la science s'est dissipée, ils ont fini par être adorés. Donc, Shaytan, regardez comment il a fait. Il leur a pas dit tout de suite, adorez-les. Parce qu'il savait que s'il leur disait adorez-les, il ne l'aurait pas fait. Mais il a vu très loin. D'abord, sculpter des statues, donner-leur leur nom, et les générations ensuite, ils sont tombés dans le shirk, dans le fait de les adorer. Donc Ibn al-Qayyim disait, rahimahullah, plusieurs parmi as-salaf, quand on dit salaf, c'est-à-dire sahaba, tabi'in, disaient, lorsque ces hommes-là sont morts, il dit « akafu ala quburihim ». Donc les gens du peuple de Nuh restaient à côté de leur tombe. Donc ils restaient d'une façon spirituelle, pour se rappeler de la religion et se rappeler de ces hommes à côté de leur tombe. Ensuite, deuxième étape, ils ont fait des statues qui représentaient ces hommes-là. Et le temps est passé, ils ont fini par les adorer. Donc si on regarde le point de départ de tout ça, c'est quoi? C'est le fait d'exagérer au sujet de ces salihim. Et aussi, cette histoire, elle est très importante, parce qu'elle nous montre que le premier shirk qui a eu lieu chez les êtres humains, c'est pas le fait d'adorer une pierre ou un arbre, c'est le fait d'adorer un salihim. C'est-à-dire qu'une personne, elle ne peut pas dire, oui, mais moi, la chose que pour qui je sacrifie et que j'invoque, c'est un salih. Justement, si tu fais ça, c'est ça le shirk que faisait le peuple de Noé. Et il faut savoir que ces divinités, ces cinq divinités, elles étaient adorées à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est Amr ibn Luhay al-Khuzai, un des rois arabes de la Jahiliya, qui avait déterré ces idoles et qui les avait fait revivre. C'est-à-dire qu'il les avait replacées pour que les arabes les adorent. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les a cassées. Donc pour montrer que le shirk, c'est le fait d'adorer, et le shirk que le peuple de Nuh ont pratiqué, c'est le fait d'adorer as-salihin, et ça commence par le fait d'exagérer à leur sujet. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرطت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Donc il dit, il rapporte ici un hadith de Omar رضي الله عنه qui est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, où le prophète a dit صلى الله عليه وسلم لا تطروني. Qu'est-ce que ça veut dire لا تطروني? Ça vient de al-Itra. Al-Itra, c'est le fait de faire des éloges à quelqu'un, mais en exagérant, de mettre une personne au-dessus de sa place. Donc imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Ana Sayyid waladi Adam, je suis le meilleur des êtres humains », en même temps il nous dit « La tutruni ». Car il savait que le fait qu'il soit à cette place, ça allait amener les gens à exagérer à son sujet. Donc il nous a mis en garde. Il a dit « N'exagérez pas à mon sujet, dans les compliments que vous me faites. » Comme il a dit, kama atratat an-nasara ibn Maryam, comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Maryam. Je ne suis qu'une créature, abdun, alors dites Abdullah wa Rasul. Donc les chrétiens ont exagéré au sujet de Isa, alayhi salatu wassalam, en disant qu'il est le fils d'Allah, ou en disant qu'il est Allah, en disant que une personne ne peut pas être sauvée si elle n'accepte pas Isa comme intercesseur. Donc ils ont exagéré au point de l'adorer en dehors d'Allah et de l'invoquer en dehors d'Allah. Donc le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, n'exagérez pas à mon sujet comme les chrétiens l'ont fait avec Isa. Donc il nous a mis en garde de faire comme eux. Et malheureusement, dans le monde musulman, tu trouves des gens qui font ça, qui exagèrent au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, ils disent, par exemple, وَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا, par exemple, ça fait partie de ta générosité, الدُّنْيَا, subhanallah. الدُّنْيَا, c'est qui l'a créé? C'est Allah ou c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Allah, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a rien à voir dans le fait d'avoir créé الدُّنْيَا. وَمِنْ عِلْمِكَ وَعِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, et tu connais la science de اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ, c'est-à-dire الْقَلَمِ, à qui Allah Azza wa Jal a dit d'écrire tout le destin dans ce qu'on appelle Al-Lawhul Mahfouz. Ils disent que le prophète connaît tout ça, subhanallah. Alors qu'Allah Azza wa Jal nous a bien dit wa 'indahu mafatihul 'aybi la ya'lamuha illa hu. C'est auprès d'Allah que sont les connaissances de l'ghaib, de l'invisible. Personne ne les connaît à part Allah subhanahu wa ta'ala. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah pour maudire des personnes, qu'est-ce qu'Allah lui a dit? Laysa laka min al-amri shay'un. Tu ne détiens rien de l'ordre. Et Allah a guidé ces personnes et elles se sont converties à l'islam. Alors que le prophète avait demandé la malédiction sur eux. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre prophète. On l'aime plus qu'on aime nos parents, plus qu'on aime nos propres personnes, mais ce n'est pas un dieu. On l'invoque pas, on se prosterne pas devant lui ou devant sa tombe. On l'invoque pas en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas qu'il connaît le passé et l'avenir. C'est-à-dire, on ne lui attribue rien de ce qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en faisant ça, on lui aura obéi. C'est pour ça, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Il nous a dit, je suis un abd, c'est-à-dire je suis une créature d'Allah. Alors quand vous parlez de moi, dites, Muhammad, Abdullah wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, le serviteur d'Allah, c'est-à-dire c'est une créature, il ne détient pas de pouvoir extraordinaire, il ne connaît pas l'avenir, il ne peut pas faire revivre les morts, il ne peut pas répondre aux prières des gens, mais wa Rasuluhu, c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, à propos de qui Allah Azza wa Jal a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. C'est ça le vrai devoir envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas de dire qu'il connaît l'avenir, etc. C'est l'ittiba, c'est-à-dire de le suivre dans la religion qu'il nous a enseignée, le suivre dans sa loi, le suivre dans la croyance qu'il nous a enseignée, etc. Ensuite, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا. Ici ensuite il a cité deux hadiths. Le premier il est dans le Musnad de l'imam Ahmed où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam إياكم والغلو, attention à l'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça au Hajj. Il a demandé qu'on lui ramène des cailloux pour faire rami au Hajj. Et il a dit, c'est des cailloux comme ça qu'il faut ramener. Et attention d'exagérer. C'est-à-dire que ce sont des cailloux de petite taille. Et vous ne devez pas exagérer en prenant des gros cailloux ou des pierres. Ou encore pire, quand quelqu'un fait le Hajj, qu'est-ce qu'il voit maintenant? Ils prennent leur sandale, ils la jettent, etc., etc. Alors qu'il nous a dit, il y a que moi le rouleau. Même dans les cailloux qu'on prend pour le Hajj, il ne faut pas exagérer. Donc, el-roulou, qu'est-ce que c'est? El-roulou, c'est mujawazatul Hajj. C'est le fait de dépasser les limites dans ce que la religion elle nous a ordonné. D'aller trop loin, de rajouter au-dessus de ce que la religion elle nous a ordonné, ou alors, au contraire, d'être trop laxiste, exagérer dans un sens ou dans l'autre. À dire qu'une chose elle est haram, nous on va dire qu'elle est, c'est pas grave, ou elle est halal. Donc ça, tout ça c'est le roulou. Et même dans l'i'tiqad, dans la croyance, il y a le roulou. Le fait d'exagérer par exemple, à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou à propos des sahaba, ou à propos des awliya. Dire que si on les invoque, ils vont nous sortir de la détresse. Si on leur demande la pluie, ils vont nous faire tomber la pluie. Ça c'est du roulou, parce qu'il n'y a que Allah azza wa jal qui peut faire ces choses-là. Et ensuite dans un autre hadith, il a dit « Halaka al-mutanatti'un ». Il l'a dit trois fois. Halak al-mutanatti'un, halak al-mutanatti'un, halak al-mutanatti'un. C'est quoi le tanattu'? Le tanattu', c'est le ta'ammuq, c'est-à-dire le fait de trop chercher la petite bête dans la religion, de trop chercher des détails et des choses que dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba n'ont pas parlé. Par exemple, essayer de philosopher sur Allah. Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Comment Allah il s'est mis sur son trône? Mais s'il s'est mis sur son trône, donc ça veut dire que, etc. Ça c'est tanattu'. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, il nous a pas dit plus que ça. Khalas. Amanna, sami'na wa ata'na. Plus que ça, ça rentre dans at-tanattu'. C'est-à-dire le fait de chercher des questions dont la religion elle n'a pas parlé. De chercher des détails et des explications alors que les sahaba eux-mêmes, dont Abdullah ibn Mas'ud a dit kanu abarran nasi quluban wa a'maquhum ilman, etc., c'est ceux qui avaient les cœurs les plus purs et la science la plus profonde. Mais qu'est-ce qu'il a dit également? Wa aqallu nasi takallufan. Les sahaba, c'est ceux qui faisaient moins de takalluf, c'est-à-dire ils cherchaient pas à compliquer et à chercher des choses qui sont compliquées, des questions qui n'existent pas dans la religion. Eux, leur but c'était de comprendre le Coran, connaître ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et surtout c'était quoi leur but? C'était de le mettre en pratique dans les paroles et dans les actes. Donc on continuera la fois prochaine. Barakallahu fikum wa nas'alullah azza wa jal al-ilma an-nafi' wal-amal as-salih wa nas'aluhu al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.